besoin d'avortement, le pays manque d'enfants. Et petite fleur d'allocation, où irise de la nation. Y a aussi le plaisir du jeu, puisqu'on en rate un sur deux. Mais les hospices rallongent pas leur soupe, uniquement pour nourrir les éditeurs. Pas besoin d'avortement, le pays manque d'enfants. Et petite fleur des patriés, de têter contre l'immigré. Y a aussi le plaisir des yeux, puisqu'ils se ressemblent un peu. Et l'on ne porte pas les bérets bleus, uniquement pour faire rire les curieux. Et pas besoin d'avortement, pas besoin d'avortement, pas besoin d'avortement. Le pays a besoin d'enfants. Pas besoin d'avortement, le pays manque d'enfants. Petite fleur de bénitier chantera la croix gommée. Il y a aussi le plaisir du feu puisqu'il se révolte un peu. Et les prisons ne sont pas modèles, uniquement pour les cutéreux. Pas besoin d'avortement, le pays manque d'enfants. Petite fille à 12 ans deviendra mère à 13 ans. Et l'on aura le plaisir de voir de jeunes grands-mamans. Avec des rides et des cheveux blancs, tout blanc, tout blanc, à 25 ans. Pas besoin d'avortement, pas besoin d'avortement, pas besoin d'avortement. Un enfant, deux enfants, et pas besoin d'avortement, pas besoin d'avortement, pas besoin d'avortement. Une portée tous les ans, et pas besoin d'avortement, pas besoin d'avortement. Prie, France maman, pas besoin d'avortement.